Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Eri, on se retrouve pour l'émission qui propose aux gens, petit à petit, d'aller sur le chemin du breton. Cette émission, c'est Inter Brésonc. Et elle a, cette émission, eh bien, la qualité de pouvoir être commencée quand on veut. C'est-à-dire que là, on va faire l'émission 455, c'est-à-dire... Père Hampem à Hunter Camp. Et que, eh bien, les gens peuvent commencer avec nous à l'émission 455, avec Henri. Pas de problème, cul de nebet. Cul de nebet, voilà. C'est pour vous familiariser avec la langue bretonne, et ça commence toujours par Gerriou Arvué, l'occasion... pour tous, de découvrir ou redécouvrir un mot de la langue bretonne. Henri, quel mot ça va être aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai fait un peu un inventaire de ce qui a été fait jusqu'à présent, et j'ai vu qu'on avait traité le mot « go », mensonge, mais qu'on n'a pas traité le mot « guire ».« Guire » qui veut dire « vrai », qui est un adjectif qui veut dire « vrai ». Alors, je me suis dit que c'était le moment de le faire. Donc, « guire ». Alors c'est très employé, hein, guire, guiré, n'est que guire, comme ça. Je me souviens quand un de mes petits-fils commençait à apprendre le breton, il racontait une histoire invraisemblable, alors j'avais dit à Madeleine, n'est que guire, et il avait dit, mais si, c'est vrai. Donc c'est une des expressions qu'on apprend dès le départ. Voilà, guiré, n'est que guire. Et puis c'est vrai que tout tourne autour de ça, savoir si quelque chose est vrai ou pas vrai. Ce qui est une notion très relative. Oui, ce qui est une notion très relative. D'ailleurs, il y avait une vieille dame de Pemrite, la Mayan-en-Hin, de Coldé-en-Vianne, là, qui m'avait dit, quand j'étais gamin, « Hunter guir, hunter go, dissement tout d'un trou. » À moitié vrai, à moitié faute, tout est comme ça. Et j'ai retenu la leçon. Surtout quand je regarde la télé. Alors Mais pas quand t'écoutes la radio, Henri. Oh ben non, je fais confiance à RKB. Voilà. Alors, donc c'est un adjectif qui vient d'une très vieille racine qu'on trouve en gaulois et en latin aussi. Hein. En gaulois, c'était veros et en latin, c'est verus. Donc, une vieille racine indo-européenne et qu'on retrouve dans les trois langues celtiques britanniques, hein, en breton, en gallois et en cornique, sous le mot pratiquement le même mot, guire. Voilà. Alors, donc j'ai dit hunter guir, hunter go. Donc il est toujours alors il n'est pas toujours placé devant, il a la particularité d'être souvent placé devant le nom qu'il qualifie, hein. Par exemple, guir vrai ton note, les vrais bretons, hein. Ça me fait penser à la chanson guir vrai ton note qui avait été fait par Augustin Comte, qu'on connaît sous le nom de Paul Tréhouré. Cuir vrai ton neut, tu de galon noir ça. Et alors, une chanson assez martiale, là. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a une mutation, hein, donc, qui est entraînée par cet adjectif, une mutation adoucissante. On a eu l'occasion de parler de ça. Donc, le B de breton neut devient un V. Hein, cuir vrai ton neut. On trouve ça aussi dans, par exemple, Urguir Vam. Il y a un cantique qui est Marie Guir Vam de Zoué, hein, qui est sur l'air de la Guerre des 7-5, quoi. Et là aussi, on a Guir Vam. Voilà. Alors, beaucoup d'expressions, hein, où on va trouver ce mot Guir. Guir Pego, hein, c'est un jeu d'ailleurs, hein. Un jeu pour les enfants et même pour les plus grands, hein. Guir Pego, hein. Voilà. Évite guire, donc pour de vrai. On disait souvent ça quand on était gamin, hein, jouer pour de vrai. Evirion, qu'on peut dire aussi evirionné. Hein. La vérité. Alors la vérité, ça vient de guire, guirionné. Hein, donc c'est un substantif, hein, qui est formé à partir de l'adjectif evirionné. Hein. Evirionné zoganar, hein, voilà. Donc c'est là c'est certainement même le substantif qui vient de guire qui est le plus répandu. Alors on trouve ça aussi le mot guire dans des expressions comme guire batter, c'est batter, c'est le pater, hein, la prière, et guire batter, c'est certifié, garanti, hein. Ah ouais. Zézo guire batter. Ou des fois, on disait aussi Guir Vellenave, et vrai comme l'évangile. D'ailleurs, ça se dit, hein, parole d'évangile. Hein. Guir Vellen Vellenaviel. Naviel, c'est l'évangile, quoi. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup d'expressions venant de la religion autrefois. Hein. Voilà. Guir Bater, Guir Vellenaviel. Pas Vellenavel, Vellenaviel. Gurion est alors donc Gurion et c'est un mot féminin, c'est pour ça que après l'article on a le GW devient W hein. Ervirion est Zogantan. Il dit vrai. La vérité est avec lui. Mon breton on aime bien des formes un petit peu plus solennelles. Virion est Zogantan. Voilà. Il y avait Pierre de Bulat là qui était un conteur là qui passait dans la région là, dans les années 30, qui venait chez mes grands-parents, et il avait une bande-annonce comme ça pour chanter quand il commençait ses contes, et il disait « Mila roda revirionne, nemelo nantorgo ive ». Je vous dirai la vérité, sauf un petit mensonge par-ci, par-là. Un demi-mensonge. Un demi-mensonge, nantorgo. Voilà. Une autre expression. Très bourde à farce, vélard, d'Arvirion et de Gals. Alors, bourde et farce, c'est un peu la même chose. C'est, en plaisantant, on dit la vérité à beaucoup de gens, quoi. Mais, comme ça, sans. Gentiment. Gentiment. Taquine. Voilà. Alors, un autre dérivé, c'est Guirvoud, hein, la réalité. Qui est un mot plus récent. Enfin, qui existait autrefois, mais qui a été remis à l'honneur, hein. Qui vient de guir et de bout, qui est l'infinitif du verbe être, l'un des infinitifs du verbe être. Guirvout, hein, la réalité. Et puis, on a un adjectif qui est formé là-dessus, guirvoudel, hein, qui est réaliste. Alors, la vérité n'est pas toujours tout à fait vraie, puisque maintenant on a la réalité virtuelle, c'est une autre chose. Et puis alors un autre dérivé, enfin il y a d'autres dérivés, c'est péguir, hein, qui vient, ça vient de guir, hein, puisqu'il est vrai. D'ailleurs dans certaines régions, dans le Léon, on dit péneguir, puisqu'il est vrai. Nous on dit pudur. Pudur, péguir. Hein. Voilà. Alors encore un dernier, c'est guirine, qui veut dire vérifier. Ah oui. Guirine. Hein. Voilà. Ben, grêle me tente trop, arguer, guir, aguir et... On en reste là, on passe à la seconde partie de l'émission, Brezhoneg tamm ma tamm. Thank you. Salut d'Albert. Ma de jeu. Ya ma très chanik. Nahui. Ma den trop gana. Ya, mais la ridine, Albert. Clé vêtmeuse. Orbet neveso. Bas allons à la bourdouar. Ya, bédon de blanc mon roas. Plus j'aradine mort. Mondoron tombe trop. Chomberon d'eau pédridé. Plus durement me brelouille au chombe à Paris. N'écarétine monde de gousse que de notel. Ah bah salons de la bourdouar. Avec quel calze dut. Et vel juste. Calze dut de ce béplaire brovrance. À calze londe divé. Calze dut de zo bit. Oh ya, fitem doun. Caradine zo bit spen spen kan seis kan mil de ce musclevet. À londe. Ah ya, londe de oa, bepsor londe. Zo mort d'invet. Hag l'on ne don de ce bip sort de liou. A l'on ne de zevro? Ya, gwele meus l'on ne de zevro, zo da tieze givé, da square meus gwele do gaz ag tribla, a wa hand vet chipi, hag o mar tribla, a wa hand vet coquin. Attends, vet postral lipous? Ah, ya, bep sort trom meus tan vet guin, gist, hag kil porl, mais redédine me mestral di walon tom, ka, donc que deux oreilles ou en cantine. Mon héridroise. Oh ya, j'en j'ai le rendre mon roise. Béné blau, ma veine hier de ganine. Bon, eh bien voilà, une jolie petite balade à Paris. Tout dernièrement au salon de l'agriculture voilà. Où on fait des excès apparemment. On reprend phrase à phrase ouais. Ce dialogue, Henri. Salut Albert, ma de jeu. Ma de jeu, oui, ça va bien. Ma trichonique, Nerwi, chonique. Madame Traugonor. Très bien. Et vous, Chanik, hein, il a vous voir, hein, comme on fait ici. Madame Trogonard, ça va bien avec vous. Les choses vont bien avec vous. Ya, mais la ridine, Albert. Clévetmeus, orbet neveso, bas salon, sal labour, douar. Voilà, j'ai entendu que vous êtes allé, il n'y a pas longtemps, au salon de l'agriculture. Ya, bédon narblaman, roas. Eh oui, je suis allé cette année encore. Pli jaradine, mondober androu. J'aime bien aller faire un tour. Mondo rondro à faire un tour. Chomerand daupe dride peguir et mon meubreur Louis au chombe à Paris. Voilà, je reste 2-3 jours puisque mon frère Louis habite à Paris. C'est Louis, hein, Louis. Hein. J'ai dit Louis, fallait dire Louis. Non, c'est Louis. Nekeredine monde un hôtel d'Agouskut. Je n'ai pas besoin d'aller dormir à l'hôtel. Ça fait des économies quand même. Ben oui, comme ça on peut profiter mieux de Paris. Ah bah salon, salle de la bourdouar, avec Gwelet Kals Dut, deux Pepler et Brofrance, à Kals Lonnet. Voilà, et au salon de l'agriculture, on voit des gens d'un peu partout en France, de Spébler et Brofrance, à Kals Lonnet, et beaucoup de bêtes. Des fois on dit à Brohal, non? Hein? Oui, alors, ouais, mais Brohal, c'est quand on veut opposer à la Bretagne plutôt. D'accord. Moi, je préfère dire Brofrance quand c'est la France bise, quoi, et Brohal par opposition à la Bretagne. D'accord. C'est plus précis, quoi. Quels étaient tes obètes? Bon, il y a eu beaucoup de gens. Feyavad, Spern. Ma foi, oui. 650 000 adultes obètes d'autres. Oui. De Smusklevet. De Smusklevet. Alors, oui, Fitemdou, oui. Hein. Vraiment, oui. Ma foi, oui. Je crois que j'avais dit Fitemdou. Non. Alors, faut qu'on explique aux auditeurs, parce que c'est génial, parce que Henri n'a pas de photocopieuse, donc il écrit le dialogue, et il me réécrit en entier le dialogue sur une autre feuille. Donc, il me donne la photocopie avec un sourire à chaque fois, mais il écrit pas les mêmes choses sur les deux feuilles. Moi, j'ai fait Yavad, mais toi, t'avais Fitendou. Oui, c'est pas strict. C'est une photocopieuse assez fantaisiste. Fantaisiste, ouais. Alors, plus de 700 000, plus de 700 000, alors, 50 000 dutes, hein. 700 000 de personnes, ce qui permet d'avoir un pluriel, parce que sinon ce serait 650 000 d'Ain. Hein. Ah oui. Oui, voilà. 650 000 adultes. Il y a eux au bête, deux de ce que j'ai entendu. À Londres. Oui, et des bêtes. Ah ya, Londres de Bepsert, Kézek Zout Mort, Dinvet, à Londres de Bepsert Liu. Voilà. Alors, oui, des bêtes de toutes sortes, hein. Des chevaux, des vaches, des cochons, des moutons. Et des animaux de toutes sortes de couleurs. Donc, toutes sortes de races, en fait, il veut dire, quoi. Voilà. À Londres de Zevro. À Londres de Zevro et des bêtes du pays, oui. Ah, y a, Gwélène Mezout de Zervo, à Kézekillé. Voilà. J'ai vu des vaches du pays et des chevaux aussi. D'Asquer, Orgazek Tribla. Orgazek, hein. Orgazek, pardon. Orgazek Tribla, Anvet Chipi. Voilà. Agermar Tribla, Anvet Coca. Oui, par exemple, donc, une jument de 3 ans, qui s'appelait Chippy, et un étalon de 3 ans aussi qui s'appelle Coquin. C'est les bêtes nées en 2012. Hein. Mais oui, aujourd'hui, c'est on en est en F. Hein. Voilà. Alors, on avait donné des exemples, d'ailleurs. Ouais, tu avais donné plein d'exemples de nous. Ouais. Voilà. Attends, avec Pestraulipus. Voilà, et vous avez goûté des choses savoureuses. Ah, il y a Gwyn, Schist, Kikporel, Kalsedrau. Voilà, oui, du vin, du cidre, de la charcuterie et beaucoup de choses. Mais Rededin Diwal me mestra. Rededin Diwal me mestra, il faut que je fasse attention quand même. Voilà. Benoît Meus. Bah, à l'âge que j'ai maintenant. Mon Eridroise. Mon Eridroise, oui, parce qu'il a quand même 80 ans. Hein. Mon Eridroise, vous irez encore? Il y a Zonjal Randmond Ben Blarwas. Oui, je pense aller encore l'année prochaine. M'avait ma d'arrière-être. Si la santé est bonne. Si ma santé est bonne. On le retrouvera l'année prochaine, sûrement. Bon. Eh bien, on laisse Albert et Chanik et on passe à la dernière partie de l'émission. C'est Petra Zone Vervro. Vervaux, Iri. Kalsedrau et Veljust, Boervej Diouzon, Krogom de Diantan et Velkustum, Gandelar Bourdouar, Agavu et Warmes. Tostad Rambrément de Zeneve Amzer, déjà avec Gwelle de Bleu Abrit, au Tispacan et Liorzer Clevedve, un Neunet au Canon, de Zerbeur et Brément, hein, à Hiren Mad de Zendi. Et Veljust, Tostad Rambrément, un Amzer Vrau, après, c'est vos dispacs de nature à Dahari. Videlor Bourdouar, déjà, on dra zo bé nevesso et salons de l'or Bourdouar. A blambe zo bé calze d'une oise, calze d'une à calze politicour, y'en pudur zo votade ou de zon. Hag, mezan zo bé spen 50,000 dut, ba salons de l'or Bourdouar. N'or que bé blambe? Non. Nami, ma trezen bé ne blanc. Bonne. Quand je dis de Zevro, me sclèvent les obés d'un plus dur ou à autocar ou au vond, hein. Hendel, videlar bourdouar, zo calze guidenou, calze drubur marément, d'asquer vide de mort, hein, mara de mort zo valtré, ag prise ou chom ré isel et vide paix en hargo. A cet us ve manifesta d'ego, a bonne guidenou, calze guidenou, gonne mort, marément. Ag vide l'aise, bonne, Zaverian Zou de Zou en Kenya d'un temps quand plusieurs détient en misébel échu quand un rotaillou en avec guar à pessamo de vos comptes ou à l'erzé. Wardash en leur politique erreuse vraiment, Krog en trou de vival plusieurs prestige vos votes à dégoût, ben département, ben film mismeurs, ag milardars au tulle war un rank, évite mon war gadorio, Erstad ma peswan. Bon, ma fine mise meurs, nahan, Gwen Gamp à Trodro, Gwel Hamelia, hag zevegred ur vej be pempla. Hag ar vo Gwel Camelia, yo bepsor de mod, hein, Camelia, yo Camelia Sasanka, Camelia Japonica, Camelia Sinensis, hag plusieurs ospen wer mil wen Camelia, hein, tre, plusieurs re, kaz Camelia, yo zo be kroaj de vidor, wen ou neve. Men de se, vo rat komzet ben vejel oaz. Or vej benek de meus be komzet ar de ze brini tour, brini ver rang le tchouka en galak. Hag brini tour ze benefi, zo be de un arvar on amzor zo bet, a zo be la ket war rol l'on eut gwar ezet. A bremañ l'er yo zo zo pelre o le brini tour dis, a distru zo an kalz dra ou vel da skwer ned ou pe ven neve hardet. A galant gwegen, mer polo garnel, ne skrivet d'ar prefet de houl gantan ma oa moyen d'ar an drabenek de enep de zi. Respond zo bet med ne ke gwal zur vo gret kalz dra war ze hag bon gwal vo pe samot vo kont gant e brini tour. O lonel zo bet la ket gwar rol lon eut gwar ezet e hidour. O namzor zo bet de vije chasse de hidour vid e groran. Hag bon ben lave jou perugen chomek kasi hinibet bavro. Mais déjà, babla douze gatrugen ou abe de divenet chassé à le hidour. A vraiment tant matin, mais une deux doigts au his, ag zo chajdour, hein, ou à taler stéréo. Bon. Marément, blanc me zo bédlard et blanc hidour, ag déjà zo en discoisade, bah greisen en stéréo, bah bénard, hein. Bon. C'est une mode vide hidour, au long de bras, ouais. Végenant, nous aurons grand temps d'art, de tour you avel. Plusieurs, on ne va blayer aux eaux, végouel, tour you avel, on tombe pibler, bavro, vidor, trédan. A vraiment, manio, sevel, eis tour avel, dis, la ferrière, tos de loudiac, a garis au bras tri. Bon, a déjà, zo, nantorné, zo, un dro, déjà. Vigenom ze regontandar de ze no GMet. Pe gomzant de ze labour d'oar. War ar be devait produit un mur en no GMet a kreskin rang ba pe bro. Pas a bro hal, plus dur pe ba bro France, plus dur en diven a betak bremañ, plus dur ba bro Europa pe bro rav el neus oan. Met bon de ziwalzo me mestra ka ala refen don vounistre. Or skrivan yor yowank, a zo hant vet tudi kern a legen, ze zo vit war an dach en el roaz, ur pod yowank a la an eus kian, an eus skrivet nevezo a lever, war dach en histor an ekologiez. Bon, histor an ekologiez e breiz, evel just. Pudur evitant an ekologiez zo neus kalz e bouez e breiz, muor vi kalz l'er yowel e brovranz. C'est du pérègne de ce béroin de Furchaloir en Dachenze, à gagne, à ne se grède en désen, bah, ce qu'on veut, hein, au désen, ou à un danvezen, à gagne, de ce désen, ne se grède au lever. C'est vrai, grède à l'ise, hein, de ce désen, vrai, grède au lever. À gagne, ou à même se danvez, à lever, zo, histoire de l'écologie en Bretagne. À gagne, bon, le dé, gagne, une bonne adure, guater, à perse, euro, auguste. Comme je me d'Opédri Blasso, de Zorak 13, évidemment, on train bien, tos abati quad malouen, pas quad malouen, pilarin mat, bon repos. Rien so, abati au cistercien, non, mais n'est quand même signé, hein. Bah, bon arricuyem, velard in braison, quoi. Bon repos. Ag, bon Hervé Clève, de vos graines, un tirant bien, rogue, non. Quoi, le vous? Comme je te vois de ces, ouais, je vois. Comme je rende à Alice, de ce braison de Bascol. Plus dur n'est que gual zouez usé, plus dur un braison de, et vel juste zondra un bouez vide scol. Ag, bon, Jean Jalran et red divin en braison de Bascol. Ag, ondra va des, plus dur un randvro, un zikour, un red de swan de vond de vistri, ou, diouyez. mais de Ziwalzo, qui est vel juste, Jacobine, ils ont dermand au Hedel, à Casdiscar, pis Vegret. Bon, Hindel, Calzedrauzo, Bavro, Roise de l'Arret, Nixgoel Belzo, ouais, tenant, Bernard Tanguy, on dena nos labour calz, vide en braise en eux. Nos bé de labour de voir, en oeil ou l'air, hagen, his wa, ni wa krog di labour, wa l'air, notre ou falran, wa chaloni. Hagen, nos gred l'éverio wa, nan oeil ou l'air, agazi wa hober, lever wa, zen brace, an, mes angles lever zo échu, mais n'est que bédimban la oise. A Bernard Tanguy zo et tenant angle. À Gondénel, Roisouet, Nanang, et, Guy Etienne, de la bourre calche, vide en présentant, à Zouet de Nanang, de Rouer à Vichienva. Dermad, de Gontandard, de son emmené, que des de Nanang, Jouaz, mais Zézo, Tenzorio avec Colot, mais Vélo Chance, mais Chomskrid, ou Berntro, même Mestra, ou à Oler. Bon, sais-tu, car, à Dine, même Grèle, on tombe trop de Spessonné, Evro. Aglar, Andar, Kenorvégel, Morgan. Kenavo, Eri.